C'est déjà la rentrée. Les vacances sont passées vite. Heureusement, les enfants étaient contents de retourner à l'école ce matin. Tu as de la chance. Pourquoi ? Pas les tiens ? Les miens ? Tu les connais. Ils ont encore fait une scène devant l'école.